Thank you.

te fascinec, bouge te fascinec, te fascinec, bouge te fascinec, te fascinec, bouge te fascinec, te fascinec, bouge te fascinec, te fascinec, bouge te fascinec. Bouge tes fesses, Dilos, car tu joues de la guitare. Bouge tes fesses, Dilos, quand tu joues de la guitare. Bouge tes fesses, Dilos, tu joues de la guitare. Bouge tes fesses, Dilos, quand tu joues de la guitare. Bouge tes fesses, Dilos, à la manière d'une danse. Bouge tes fesses, Dilos, à la manière d'une danse. La bouche te fait silence à la manière de danse. Bouche te fait silence. Bouche te fait silence. Bouche te fait silence. Bouche te fait silence car tu joues de la guitare. Bouge ses fesses quand tu joues de la guitare. Il veut aguicher les demoiselles. Il veut plaire. Et il bouge ses fesses, quoi. Et vraiment que... Il bouge ses fesses quand tu joues de la guitare. Bouge tes fesses, Dilos, quand tu joues de la guitare. Bouge tes fesses, Dilos, quand tu joues de la guitare. Bouge tes fesses, Dilos, de la guitare. Bouge tes fesses, Dilos, à la manière d'une danseuse. Bouge tes fesses, Dilos. Bouge tes fesses, Dilos. te fais bilos. Je te fais bilos. Je te fais bilos. Bouge tes fesses, silos, à la manière de danser. Bouge tes fesses, silos. Bouge tes fesses, silos. Je te fais. Bouge tes fesses. Bouge tes fesses. Bouge tes fesses, silos. C'est dans la joue. C'est dans la. Bouge tes fesses, bilos. Bouge tes fesses, bilos. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous bouge tes fesses, bilos. Ça, je l'entends grave saturé. Faut changer de casque. Bouge tes fesses, bilos. Oui, un chou, c'est les basses de ta gratte. J'entends encore la basse en mode saturé. Oh, oh, oh. Et

2. Thank you. terme.